Chapitre 18e. N'y tenant plus, un soir où il cherchait son père, Ron décida de lui parler, peut-être un peu plus durement, pour le faire réagir. Après tout, Amour n'avait que 7 ans. Cette petite fille avait besoin de son papa. Il ne pouvait se permettre de la laisser si jeune. Ronnie sortit dans le grand jardin et se dirigea vers la sépulture où il savait pertinemment qu'il retrouverait Jeremy. Ce dernier continuait à se lamenter sur la tombe d'Harmonie. Bien qu'il soit à une dizaine de mètres, Ron pouvait l'entendre et cela lui fendit le cœur. « Mon âme, je suis si désolée. Je sais que je t'avais promis de trouver un remède efficace. Pendant toutes ces années, ces nuits de recherche, j'ai cru 1000 fois toucher au but. Peut-être qu'il m'aurait fallu juste quelques mois de plus pour aboutir. Mon Dieu, pourquoi ne lui as-tu pas laissé un peu plus de temps ?» Il geignait. Il passait le plus clair de son temps sur ce tombeau, jour et nuit. Rien ni personne ne pouvait le raisonner. Il se sentait coupable et en même temps, pour lui, la perte cruelle de celle qu'il adorait était insurmontable. Ron ne pouvait prendre la décision de lui faire encore plus mal. Il décida d'attendre. Il faisait demi-tour lorsqu'il entendit son père pousser un cri de douleur. Se tenant la poitrine, il défaillit et tomba au sol. Ronnie se précipita et en quelques enjambées fut à ses côtés. « Papa, papa, réponds-moi !» Mais Jeremy était inconscient. Ron prit son pouls et commença à paniquer lorsqu'il s'aperçut qu'il ne battait plus. Il voulut se relever quand il vit que la petite Amour se trouvait à côté de lui. La gamine regardait avec terreur son père à terre. « Amour, écoute-moi, écoute-moi !» fit Ron avec un sérieux et un calme qu'il était loin de ressentir. « Tu vas aller chercher Louise, tu m'entends ? Va chercher Nounou Louise !» Et dis-lui surtout de prendre le téléphone. Dépêche-toi !» Mais l'enfant semblait statufié. Ron dut crier pour la faire réagir. « Cours, Amour, vite !» La petite s'en alla, butant sur les graviers, détalant à toutes jambes. Pendant ce temps, Ronnie, qui connaissait depuis peu les gestes des premiers secours, déchira le haut du jogging de son père et commença un massage cardiaque. Jeremy sentit une douleur poignante lui comprimer la poitrine et il s'affaissa. Il se vit aussitôt flotter au-dessus de son corps. Il était bien et ne comprenait pas pourquoi son fils criait après la petite. Puis, regardant de tous côtés, une vision quasi panoramique, il s'éleva encore et encore. Subitement, un tunnel de lumière éclatant se trouva juste devant lui. Cette lumière si belle, si chaude l'appelait. À une vitesse folle, il franchit le tunnel pour se retrouver dans une espèce de brouillard cotonneux et gris. Un banc se trouvait là et semblait n'attendre que lui. Il s'y installa. Pendant quelque temps, il se sentit légèrement mal à l'aise, puis le brouillard se dissipa et fit apparaître un paysage de rêve. Des montagnes, des collines, des prairies vertes et peuplées d'énormes fleurs multicolores éclatantes de beauté. Un soleil radieux, une douce chaleur qui l'envahissait peu à peu. Il vit son chien Arthur, qu'il avait perdu lorsqu'il n'avait que 6 ans. L'animal sautait et gambadait vers lui. Il ressentit un amour intense que le chien lui transmettait, puis il disparut. Il se sentait si bien. Enfin, il ne vit tout d'abord qu'une vague silhouette. S'approchant de lui, quelle ne fut pas sa surprise, en voyant Harmonie. Mais une Harmonie plus jeune de 20 ans, détendue, belle à mourir, elle venait vers lui en souriant. Il se leva et courut à elle. « Toi, mon âme, c'est bien toi !» Il s'aperçut qu'elle lui répondait, mais sans qu'aucune parole ne sorte de sa bouche, et pourtant il l'entendait. « C'est moi, mon amour, tu vois, je suis bien ici. Mais toi, tu ne devrais pas l'être. Ce n'est pas encore le moment. Un jour viendra, mais pas maintenant. Tu vas devoir rentrer. Non, non, non, c'est impossible. Je ne veux pas te quitter, pas à présent que je t'ai enfin retrouvé. Il le faut. Console-toi. Je suis bien et je t'attends. N'oublie pas Amour et Ron. Je viendrai à toi le moment venu. Tu as tellement à faire. Ce monde a encore besoin de toi et tu rempliras ta mission. Ron aussi a un rôle à jouer, ainsi que notre petit amour. Il faut que tu y retournes. » Il la serra si fort contre lui et l'instant d'après, il se trouvait à s'envoler encore plus haut. Une sphère gigantesque, encore plus lumineuse que le tunnel, l'inonda d'un amour inconditionnel. Une voix douce lui susurra. « Retourne sur terre. Ta place n'est pas ici. Tu as une mission à accomplir. Ensuite, tu reviendras vers nous. » Malheureusement, ton fils échouera. Non par sa faute d'ailleurs, mais par ta petite. Mais ta petite, elle, va défendre ce monde. Et elle sera son unique espoir. Va, Jérémie, aime, et passe cette parole à quiconque tu rencontreras tout au long de ta vie. Mon fils échouera. Qu'est-ce que cela veut dire? Je dois savoir, je vous en prie. Il échouera car une personne qui lui est proche ne restera pas avec lui, ne l'aidera pas comme cela aurait dû être le cas. Dans les années qui suivront, la terre et les humains subiront, car ils sont mauvais et détruisent tout ce qu'ils touchent. Espère, Jérémie, qu'ils comprendront après cette grande épidémie. Vous voulez dire que ce virus va éradiquer beaucoup d'humains, oui, mais ta petite redressera l'équilibre si fragile et donnera une autre chance à votre monde. Jérémie sentait cet amour autour et en lui. Plus rien d'autre ne comptait. Mais d'un seul coup, d'un seul, il plongea et refit le chemin en sens inverse. Le brouillard grisâtre, puis le tunnel d'une blancheur immaculée, peuplé de silhouettes évanescentes qui l'encourageaient. Il vit bientôt son jardin, puis Gunther penché sur son corps terrestre, un défibrillateur en main. Lorsqu'il réintégra son corps à une vitesse inimaginable, il sentit que cette enveloppe charnelle était si étroite, si peu adaptée à son esprit. Il eut mal, ouvrit les yeux et entendit des voix connues qui se congratulaient. Enfin, tu nous as fait une peur bleue, disait le médecin, son accent allemand plus prononcé encore que d'habitude. Papa, papa, soufflait son fils. Bon sang, papa, comment tu te sens? Doucement, Ron, répliqua Gunther, 12 minutes, ce n'est pas rien. Oui, mon vieux, 12 minutes que tu étais parti. Je n'ai jamais mis aussi peu de temps pour arriver ici. L'ambulance est déjà là. Nous te transportons immédiatement à la clinique. Une crise cardiaque doit se soigner très vite si on ne veut pas de récidive dans les heures qui viennent. Puis je dois contrôler tes constantes. C'est inimaginable qu'au bout de tant de temps, tu n'aies pas de séquelles apparentes. Le scanner nous donnera une réponse plus pointue. Jérémie leva une main en guise de protestation, mais Gunther d'une pichenette la lui rabaissa et dit « Il est hors de question que tu discutes, cela suffit. Désormais, c'est moi qui décide. » Et se tournant vers les soignants, « En route, messieurs, le plus vite possible. » Ils embarquèrent Jérémie sur un brancard, et l'ambulance partit toute sirène hurlante. Ron se tourna vers leur ami. Je vais mettre quelques affaires dans un sac et je te retrouve là-bas. Je vais expliquer à la petite pourquoi on emmène son papa et demander à Nounou Louise de bien vouloir veiller sur elle, le temps que je resterai au chevet de mon père. Très bien, fais comme ça. Cependant, si je te laisse être à ses côtés, je ne veux pas que tu le contraries, ni que vous ayez des discussions à n'en plus finir. Elle a été très durement éprouvée et doit reprendre des forces pour guérir. Il va lui falloir du calme et beaucoup de compréhension. Je compte sur toi. Tu peux, je serai à la hauteur. J'ai eu trop peur de le perdre. Ron, en coup de vent, avertit Nounou Louise. La brave femme s'empressa d'accepter. Elle avait encore des larmes plein les yeux. Il va se remettre, n'est-ce pas? Oui, le docteur est confiant. Cela va prendre quelque temps. Prenez soin d'amour, s'il vous plaît, madame Morin. Pas d'inquiétude, je serai toujours là pour ma petite filleule. Prenez soin de Louis, de lui et de vous. Ronnie mit ensuite quelques vêtements de rechange pour son père et lui, ainsi que des affaires de toilette dans un sac, puis quelques bouquins, sa tablette et son téléphone. L'attente serait longue. Il revint sur ses pas, ayant oublié les chargeurs. Puis il alla embrasser sa petite sœur. Elle s'accrochait à Nounou Louise et lui posait tout un tas de questions. La pauvre femme semblait un peu perdue. Ron prit l'enfant dans ses bras, s'assied dans un fauteuil du salon, puis, commençant à la bercer doucement, lui expliqua la situation en employant des mots d'enfant. « Tu as bien compris? »« Oui, dit Ron, il reviendra quand? »« Je ne sais pas encore, mais je te promets de t'appeler chaque jour et te donner de ses nouvelles. Tu me raconteras ce que tu fais, à quoi tu joues, et je lui dirai. »« D'accord. Tu lui feras de gros bisous de ma part? »« Certainement, avec grand plaisir. Il va être très content. « Sois sage, amour. Je t'appelle dès demain. » Ne fais pas tourner en bourrique, Louise, d'accord? D'accord. Ron embrassa sa petite sœur qui l'accompagna jusqu'à sa voiture. Il mit le sac sur la banquette arrière et, avec un dernier au revoir, démarra. La nuit fut longue. Ron veilla sur son père et ce n'est qu'au petit matin que finalement la fatigue eut raison de lui. Gunther, entrant dans la chambre, vit que le jeune garçon s'était endormi, la tête toute proche de la main de son père. Doucement, il lui toucha l'épaule. Ron se réveilla en sursaut. Que se passe-t-il? Rien, tout va bien, murmura le docteur. Tu vas devoir nous laisser. Je dois lui passer toute une batterie d'examens. Je vais aussi faire apporter un autre lit. Je suis désolé de ne pas y avoir pensé hier. Ce n'est pas grave. Il va comment ce matin? À son air, on a l'impression qu'il est en pleine forme. Mais nous savons, toi et moi, qu'il n'en est rien. Va manger un morceau à la cafétéria et te rafraîchis un peu. Tiens, dit-il en lui tendant une clé. Va dans mon bureau, prends quelques affaires et fais ta douche. Retrouvons-nous ici dans 3 heures, j'aurai les premiers résultats. Quelques heures plus tard, il se retrouvait devant la porte de la chambre de Jeremy. Alors, fit impatiemment Ronnie. Eh bien, ça aurait pu être pire. Je ne comprends pas trop, mais dans l'ensemble, je peux te dire qu'il va bien. C'est comme si il n'avait pratiquement rien eu. Mais c'est impossible. Les faits sont là, et tu me connais, j'y refais faire plusieurs fois certains examens pour être vraiment certain. D'ailleurs, tu vas le trouver légèrement énervé. Tu vas le garder combien de temps? Je dirai en observation 3 jours. Pas plus. Il restait inconscient 12 minutes. Inconscient n'est pas le terme exact. Il était mort pendant 12 minutes. Et c'est encore plus incompréhensible de le voir se remettre aussi rapidement. Si tu me demandais, je te dirais que c'est un miracle. Je ne vais pas polémiquer, cela ne servirait de toute façon à rien. Cependant, je n'ai qu'à me réjouir du résultat et le surveiller de très près. 3 jours plus tard, Jérémy sortait de la clinique. Une tape dans le dos, Gunther le tança. Si tu ne fais pas attention à toi, je vais te revoir sous peu, non pas ici, mais à la morgue. J'espère que cet avertissement t'aura fait comprendre quelque chose. Tu ne crois pas si bien dire, mon ami, répliqua Jérémy. Je t'expliquerai un jour. Pour le moment, je dois rentrer voir ma petite et accompagner mon grand-fils. Il tapota gentiment l'épaule de Ron, puis tendit la main au médecin. Merci. De rien. Je n'ai pratiquement rien fait. Tu dois avoir un sacré bon ange gardien. Si tu pouvais me le prêter de temps à autre, je ne refuserais pas. Gunther leur fit un dernier salut de la main, et la voiture disparut au détour de l'allée de la clinique.